conducteur tard la nuit, quand l'inspiration s'est enfuie, quand toute source d'idées neuves s'est tarie. Vite, un hommage, un remix, un remake, une réédition. Ça va faire sortir l'argent rapidement, car très peu de gens sont immunisés contre la maladie de l'hommage. Que font les créateurs un lendemain de veille, quand la muse se perd dans son sommeil, malgré un besoin cessant d'oser? Allez hop, un hommage, une consécration, une commémoration, pourquoi pas une célébration. Il y a sans doute dans nos placards quelques has-been ou quelques morts qu'on peut vénérer sans remords. Il n'existe pas notre connaissance de vaccin contre la maladie de l'hommage. Il y a sans doute dans nos placards quelques has-been ou quelques morts qu'on peut vénérer sans remords. Il n'existe pas notre connaissance de vaccin contre la maladie de l'hommage. Chichi, la maladie de l'hommage. Chichi, la maladie. Voyons voir ce que nous avons reçu aujourd'hui comme proposition. Patron, nous avons reçu 42 démos de nouveaux projets créatifs et fort intéressants. Bof, jette-moi ça à la poubelle, ça ne vaut pas la peine. Qu'avons-nous reçu d'autre? Ah, il y a un projet d'hommage aux grands disparus. Voyons voir, ça c'est très intéressant. Ça c'est vendeur en hommage.